comme c'est pas demain. C'est la vie aux Antilles et l'on n'a pas de haine. C'est la vie aux Antilles car tous vraiment on s'aime. C'est la vie aux Antilles. Oh, Chita la nan. Avec ça, comprendre. Wap jouer nos tiges sec, sec, coupé. Et puis on l'autre dans encore wap jouer des caliente si bémol. Alors même si par exemple on a toujours quelqu'un malade qui nous avait foutu tout volant. Qui t'avait foutu tout volant, comprendre. Les films conduit machine, non, comprendre. On connaît nan conduit. L'homme à la droite, la gauche, l'homme à la gauche, la droite, comprendre. Parce qu'il faut une louange pour faire pour vous. Il y a pour lui, oh, mes amis, oh, à la bonne machine est elle là-bas. Mais, on va arriver pas quitter la prudence, pas laisser la prudence. Souvenez malais, quitter le boutique des papas, regardez nos machines à dégigoler, regardez nos patinages. Tout roule à chimie. Ah. Bon, qu'on fait ça, fais-moi. Pick it up. des propositions. Moi pour mettre des châteaux, quatre photos, la viande et le coco. Et qu'il y a des poissons moins, il mène moi la paboula et des petits cahiers. Avec chapeau, oui. Sans chapeau, oui. Avec chapeau. Moi mes cuisses à poule, moi mes cuisses à dinde, moi mes cuisses à codène, moi mes cuisses à grenade, moi mes cuisses à cabrit, moi mes cuisses à lapin, mais moi mes aussi, cuisses à fond. À Paris, on fait des noix, à New York, on fait des noix. À Cayenne, on fait des noirs. À Fort-de-France, on fait des noirs. À Pointe-à-Pitre, on fait des noirs. À Rézé aussi, à Rézé, on fait des noirs. Bip, bip, bip. C'est bon l'amour, c'est bon d'être seul avec une femme dans un lit. Tu sens bon, j'aime ton odeur. Le Jamaï. Belle, on fait pas oublier.

Soy pimi, bongo, sea.

Thank you. Thank you.